Tercera temporada que obre les seves portes de Olala Music, el programa de música en francès que presenta i dirigeix un servidor, Rafael Corbí. Molt benvinguts. Gràcies també, com sempre, per estar a l'altre costat de la ràdio, sigui per internet o sigui per la ràdio clàssica. La bona música i el bon ritme seran allò que nosaltres us volem portar, aquells artistes més coneguts, més desconeguts, més nous, més vells, però també tota una selecció musical que esperem que sigui del vostre agrat, com ho ha estat des del programa número 1 d'Olala Music. Aquest és el número 48. I aquesta temporada canviem la nostra música d'entrada. A partir d'ara tindrem durant aquests programes de la Music amb Eddie Mitchell. Com sempre, també donar les gràcies als nostres col·laboradors que habitualment, d'una manera regular, més o menys no a tots els programes, ens acompanyaran l'Àngel Rodríguez, que sí que se ho fa sempre, però també en Ciril Torres, el Hamid, i en alguna ocasió la Norma ens portaran les seves recomanacions musicals, cosa que també desitgem i esperaríem de tots els nostres oients. Cerqueu Olala Music a través d'internet i deixeu-nos el vostre missatge. Les vostres peticions, els vostres consells, els vostres comentaris, que també ens podeu arribar, fer arribar via WhatsApp. Apunteu-vos aquest número, 630 15 02 11. El repeteixo, 630 15 02 11. Per WhatsApp i amb la vostra veu farem ràdio junts. Començarem el nostre programa d'avui en la música d'un àlbum de 2004, número 2 a les llistes franceses i també belgues. Moltes vendes, va ser disc de platí a França. Rodeo és el disc que ens portarà aquesta intèrpret, l'assassí, nascuda el 18 d'abril del 1964 a Boulogne-Billancourt, amb el nom d'Isabelle de Truch de Borenque, que és una excel·lent intèrpret i que avui m'agradaria també recordar. Ja ha estat una de les artistes que més ens han acompanyat, però anem repassant els seus àlbums i les seves cançons. Precisament aquest és el tema que ens portava a través del seu àlbum, com un dels senzills publicats, aquest Rodeo. C'est la vie par le paradis. Rodeo, c'est la vie par le paradis. T'es tombé dans le piège, cow-boy par le siège. T'as misé sur le mauvais cheval. C'est ton premier cri et tout le monde applaudit. Ça fait plaisir. Ça fait mal. Toc, toc, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. Tout ma fille, tu t'enfuis. Et si le temps ta cour n'ouvre sur tout tard, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. Mais si la fille en a peur, la femme en rêve. Dans la forêt nue qu'un sauvage nous enlève, nos corps s'abandonnent au soleil qui se lève. Toc, toc, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. Toc, toc, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. En l'absence de nos princes, disant que les princes existent encore, je laisserai bien ma porte ouverte toute la nuit. Toc, toc, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. J'en ai marre des histoires à dormir debout. Je veux goûter la morsure d'un amour fou. Enfin pendre mes jambes à son cou. Toc, toc, toc, mais qui est là? Le loup qui te mangera. Toc, toc, toc, mais qui est là? Je n'attendais plus que toi. Je t'attends. Que fais-tu? Où es-tu depuis le temps que je t'attends? Que fais-tu? Où es-tu depuis le temps que je t'attends? Que fais-tu? Où es-tu si tu savais ce qui t'attend? Que fais-tu? Si tu savais ce qui t'attend. Són les cançons en format de senzill que varen aparèixer d'aquest àlbum, en dues de les quals ja les hem escoltat, les dues primeres, el Rodeo i aquest Toc, Toc, Toc, en les Asi, que ens acompanyava amb aquests dos temes que no varen arribar a entrar ni a la llista francesa ni belga de senzills, cap dels publicats d'aquest àlbum. Sí que, com he dit, l'àlbum va ser un gran èxit, eren senzills promocionals d'aquest àlbum, igual que ho són les altres dues cançons que en van aparèixer, Excuse Moi i la cançó anomenada també Oui. Excuse Moi si je te laisse tomber au beau milieu du mais j'en ai soupé de toi. Excuse-moi, finis les bons petits plats. Tu n'as plus qu'à réchauffer une autre femme au foyer. Une qui t'aime Jamais. Aquesta és la música de Zazie que ens acompanyava amb el programa d'avui, al començament, tot recordant el seu disc de 2004, aquest en Rodeo, un àlbum magnífic que ens portava un excel·lent intèrpret. D'aquests moments, escoltarem música actual amb una noia anomenada Mathilde Jarné, però que es coneix com a Hoshi, nascuda el 14 de setembre de 1996 a Versalles i que ja té dos àlbums al mercat, el Comme je vais faire, un EP publicat el 2017, i el Tamarinier, que s'ha publicat el 2018. Per tant, anirem a la seva música abans, però és el moment, com sempre, de donar la benvinguda a l'Àngel Rodríguez, que ens porta la seva col·laboració per al programa d'avui. Benvingut, Àngel. Hola, Rafael. Encantat un cop més d'estar en el teu programa de ràdio Olala Music. El febrer de 2008, Caló Gueró va treure aquesta peça titulada Voler de nuit, que avui us recomano i que es va convertir en un tema molt popular en l'ambient francòfon. De Caló Gueró ja vam escoltar en el seu moment l'èxit Jeju de la Music, extreta l'estiu de 2017. Va néixer l'any 1971 a la regió del Roine. Era el cantant del grup francès Les Chars, fins que l'any 2000 va decidir anar en solitari i convertir-se en una de les grans veus del pop francès. Escoltem Caló Gueró amb aquest èxit Voler de nuit. J'étais fait pour planter des fleurs dans un jardin. Certains soirs, il me semble entendre dans le cockpit

ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. À vouloir me rincer l'œil cet après-midi, je me suis noyée. J'en ai marre, je suis en deuil de moi-même, tout ça m'a tué. Prépare mon cercueil, c'est absurde, je veux qu'il soit dans ton cœur, car c'est là que je me recueille d'habitude quand je fais des erreurs. Entre nous, il y avait de l'attraction, mais ça a fini en manège à trois. Vas-y, dis-moi son nom, même si tu me cries que tu le connais pas. Arrête de me prendre pour un con, je sais qu'il a dormi dans mes draps. J'aurais dû faire attention, tout a volé en éclats. Vas-y, balance ce qu'il a de plus que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Vas-y, balance ce qu'il a de plus que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Mais je ne suis pas partie chasser. Je n'ai plus de classe, j'ai envie de tout casser. On vit à une époque où les gens aiment se détruire, et plus rien ne choque pareil qu'il vaut mieux en rire. Cette nuit t'as foutu en l'air notre mariage. Les petits vont voir leur père faire un carnage. Je vais finir dans la rue, je n'ai plus d'endroit où habiter. C'est cette simple enclume, mais j'ai envie de le planter. Plus que moi, au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Vas-y, balance ce qu'il a de plus que moi. Au final, je pense que même toi, tu ne le sais pas. Et moi, je bosse pendant qu'il est dans mon lit. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Et tu diras juste à nos gosses que papa est parti. Ce n'est pas joli, joli. Je pars à Amsterdam, je ne veux plus de Paris. Ce soir, c'est un drame. Je suis un père trahi par un ami. Il y avait des milliers de femmes sur terre, mais tu m'as volé celle de ma vie. La femme de ma vie. La femme de ma vie. La femme de ma vie. Així ens acompanya la intèrpreta d'aquestes cançons, que com us en dèiem, la Hoshi, que ens portava les dues cançons extretes com a senzills, però després hem escoltat aquell primer tema, que estava també amb l'EP, el Ménage Trois, i ara ens acomiadem aquest àlbum, aquest del Sofitiu Cro, que arribava aquest 2008 a càrrec d'aquesta jove i interessant vocalista, i ho farem amb la cançó anomenada Japans a Toi, Penso en Tu, i no deixo de fer-ho. J'oublie de fermer les fenêtres. J'ai froid dans mon petit être qui s'habille de peut-être. Je pense à toi. Je ne rappelle plus personne. Que tous mes potes me pardonnent. Mais y'a que ton nom qui résonne. Je pense à toi. Tous ces souvenirs que je traîne, ils insistent pour que tu reviennes.

La joveníssima artista Caroline Costa, nascuda el 9 de maig de 1996 a Mosac, al Midi Pyrénées, a França, i que ens porta aquestes cançons, una veu de soprano meravellosa i unes cançons de pop increïbles, tot i que avui l'estem escoltant amb el disc acústic, un àlbum acústic en el qual ens portava algunes de les seves interpretacions, com Manchinant o aquest bàsquet que ens portava ara mateix. Amb ella acabem el programa d'aquesta setmana de La La Music, Lierre, amb una de les cançons que també podien trobar amb aquest àlbum en format acústic. Salutacions de Rafael Corbí, o La La Music retorna la setmana vinent. A reveure. New York, Barcelone o Tokyo, les mêmes gratte-ciels qui me regardent haut, ma jeunesse qui s'enfuit avec mes rêves, la même tristesse dès que le soleil se lève. Paris, Londres, nous, Los Angeles, où que j'aille, mes peurs me tiennent en laisse. Seul dans ma chambre, j'ai perdu le sommeil, et les lendemains ressemblent à la veille. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. J'imagine de nouveaux horizons, juste pour oublier qu'à la maison, le passé m'étouffe et me pousse à partir. Mais je reste guidée par mes souvenirs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs. Nos lendemains sont comme des promesses, des horizons remplis d'espoir. Puisqu'ici mes peurs me tiennent en l'air, je pars, je pars. Et je m'en vais pour retrouver qui je suis. Je laisse la nuit m'emmener loin d'ici. Je n'oublie pas d'où je viens, où j'ai grandi. Je suis une enfant d'ailleurs. Je suis une enfant d'ailleurs.